Le lendemain, 24 décembre, malgré les fatigues de la veille, l'opération fut reprise. Toute la journée se passa en infructueuse recherche. La journée du 25 n'amena aucun résultat. Aucun, celle du 26. C'était désespérant. On songeait à ces malheureux, enfermés dans le boulet depuis 26 jours. Le 28, après deux autres jours de recherche, tout espoir était perdu. Ce boulet, c'était un atome dans l'immensité de la mer. Il fallait renoncer à le retrouver. Le 29 décembre, à 9h du matin, la Susquehanna, le cap au nord-est, reprit route vers la baie de San Francisco. Il était 10h du matin. La corvette s'éloignait, sous petite vapeur et comme à regret, du lieu de la catastrophe, quand un matelot qui observait la mer cria tout à coup « Une bouée ! Par le travers sous le vent à nous !» Mais, détail singulier, un pavillon flottant au vent surmontait son cône qui émergeait de 5 à 6 pieds. Cette bouée resplendissait sous les rayons du soleil comme si ses parois eussent été faites de plaques d'argent. Ce pavillon est un pavillon américain. Par suite de sa légèreté spécifique, le projectile, après avoir été entraîné par sa chute jusqu'aux plus grandes profondeurs de l'océan, avait dû naturellement revenir à la surface. Et maintenant, il flottait tranquillement au gré des flots. Un hublot du projectile était ouvert. Quelques morceaux de vitre restés dans l'encastrement prouvaient qu'elle avait été cassée. Ce hublot se trouvait actuellement placé à la hauteur de 5 pieds au-dessus des flots. Une embarcation accosta, celle de Maston. Maston se précipita à la vitre brisée. En ce moment, on entendit d'une voix joyeuse et claire la voix de Michel Ardan qui s'écriait avec l'accent de la victoire « Blanc partout, Barbicane ! Blanc partout !» Barbicane, Michel Ardan et Nicole jouaient au domino.